Je suis tout oui, mais sache que tous ceux qui ont prononcé cette phrase avant toi ont fini leur... Je suis tout oui, mais sache... Je suis tout oui, mais sache que tous ceux qui ont prononcé cette phrase avant toi ont fini leur jour pauvre et déshérité. Je suis tout oui, mais sache que tous ceux qui ont prononcé cette phrase avant toi ont fini leur jour pauvre et déshérité. Je suis tout oui, mais sache que tous ceux qui ont prononcé cette phrase avant toi ont fini leur jour pauvre et déshérité. Que me chantes-tu là ? C'est impossible ! Que me chantes-tu là ? Que me chantes-tu là ? C'est impossible ! C'est impossible. Que me chantes-tu là ? C'est impossible. Mais que me chantes-tu là ? Que me chantes-tu là ? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. En effet. Et... En effet, et, en effet, et, un immense réservoir d'eau souterrain, un immense réservoir d'eau souterrain, un immense réservoir d'eau souterrain, tout cela commence à me fatiguer, mon neveu. Je veux bien croire à ton histoire de quartier. Tout cela commence à me fatiguer, mon neveu. Je veux bien croire à ton histoire de quartier souterrain grâce aux photographies et parce que je t'expliquerai... N'importe quoi. Tout cela commence à me fatiguer, mon neveu. Je veux bien croire à ton histoire de quartier souterrain grâce aux photographies et parce que cela expliquerait beaucoup de choses. Mais... Tout cela commence à me fatiguer, mon neveu. Je veux bien croire à ton histoire de quartier souterrain grâce aux photographies, et parce que cela expliquerait beaucoup de choses, mais... Tu commences à me casser les couilles, là, neveu. Tout cela commence à me fatiguer, mon neveu. Je veux bien croire à ton histoire de quartier souterrain grâce aux photographies, et parce que cela... Et parce que cela expliquerait beaucoup de choses, mais...